Pour la limite, je vis au travers de ces millions ailleurs faire. Ma vie, c'est ces millions ailleurs faire. Je suis une nouvelle créature. Depuis que j'ai accepté Ferdinand a eu fait dans ma vie. Tout ce que je possède vient de Ferdinand a eu fait, qui agit par sa force surnaturelle, sur la nature, sur la société, sur le cosmos, et sur les astres. Tout ce que je possède, je le dois à Ferdinand Ailleurs-Faire, puisque c'est Ferdinand Ailleurs-Faire qui m'a permis de l'avoir. Et je remercie Ferdinand Ailleurs-Faire, en lui donnant le cinquième de tous mes revenus avant taxes et impositions. Je suis prêt à tout. Pour faire plaisir à Ferdinand Ailleurs-Faire. Je mourrais si cela faisait plaisir à Ferdinand Ailleurs-Faire. L'année dernière, je suis sévèrement tombé malade. C'est à Ferdinand Ailleurs-Faire que je dois ma maladie. J'avais mal calculé le montant des taxes, et par conséquent, j'avais donné moins que le cinquième à Ferdinand Ailleurs-Faire. C'est pour cela que je suis tombé malade, que Ferdinand Ailleurs-Faire en soit remercié pour l'éternité. J'ai une fille de mon mari. Mais elle est, en vérité spirituelle, la fille de Ferdinand Ailleurs-Faire. Puisque c'est Ferdinand Ailleurs-Faire qui donne toute vie, sur terre, dans la mer, dans les mers, dans le cosmos, et sur les astres. Elle sera donc consacrée à Ferdinand Ailleurs-Faire toute sa vie. Depuis 10 ans, Ferdinand Ailleurs-Faire m'a libéré des vaines fumées de la vie matérialiste. Ma vie, c'est Ferdinand Ailleurs-Faire.